des atomes de vie qu'on attrape en rêvant. Si peu dit rien, nous tous quelque chose, quelque chose en commun qui nous métamorphose. C'est l'éclair de vie qui court entre les choses. Et plus on les désire, plus on les attend.